de fées en français. La cloche magique. Il était une fois, dans la forêt profonde, vivait un singe nommé Robbie. Robbie aimait aider les autres animaux. Il aidait l'éléphant à cueillir des fruits frais. Il surveillait les petits faons pendant que la maman biche était dehors. Et il aidait le lapin à traverser la rivière. La maison de Robbie était un gros arbre solide qui se tenait au centre de la forêt. Tous les animaux savaient que si on ne trouvait Robbie nulle part, il était sûrement assis sur l'arbre à jouer de la flûte. C'était une chose à savoir sur Robbie. Il jouait de jolies mélodies à la flûte. Te voilà, Robbie. La tortue te cherche. Elle a besoin de ton aide avec ses gardes. Ses gardes? Eh bien, en fait, je n'ai pas attendu pour bien écouter. Mais je devine qu'elle voulait en fait dire « jardin ». Oh oui! Elle m'en a parlé hier. Allons-y. Dis-moi un truc. Pourquoi joues-tu de la flûte toujours au même endroit? Je ne sais pas. J'adore cet arbre. Et tu vas vraiment me prendre pour un fou, mais j'ai l'impression que cet arbre écoute ce que je joue. Oh! Tu as raison. Ah bon? Tu le crois aussi alors? Non, je veux dire que tu as raison. Oui, je te prends pour un fou. Mais Robbie avait raison. L'arbre écoutait en effet sa musique. C'était un secret que même Robbie ne savait pas. La musique avait touché l'âme de l'arbre. Il l'écoutait volontiers. Et il était vraiment content que Robbie en joue tous les jours. Un jour que Robbie était endormi sur l'arbre, un énorme fracas se fit entendre en bas. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Tremblement de terre! Tremblement de terre! Qui est cet homme? Ça va prendre du temps. Robbie comprit soudain ce qu'il se passait et descendit rapidement en bas. Hé! Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu coupes cet arbre? Mon maître aimerait l'utiliser pour son bateau. Cet arbre a une écorce solide. Non, tu ne peux pas le couper. Vraiment? Et pourquoi ça? Écoute, ça fait des jours que je cherche quelque chose de solide pour la coque. Et cet arbre ne t'appartient pas. Ne me fais pas perdre mon temps. Robbie était un singe intelligent. Il décida de faire peur au bûcheron pour le faire fuir. Ah, j'ai essayé de t'arrêter, mais tu vas devoir faire face à ton destin, je suppose. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne le sais pas? L'esprit d'un vieil homme vit dans cet arbre-là. Il est là depuis des années. Si tu coupes cet arbre, où ira-t-il? Il s'emprisonnera en toi, bien sûr. S'emprisonnera en moi? Naturellement, puisque c'est toi qui es en train de le couper. Tu essaies de me piéger? Je suis plus intelligent que tu ne le crois, le singe. Je ne vais pas gober ton histoire. Va-t'en maintenant. Robbie voulait désespérément sauver sa maison. Dès que le bûcheron se remit au travail, Robbie grimpa à l'arbre jusqu'en haut. Il se cacha dans le feuillage touffu et commença à hurler. Oh! Oh! Comment oses-tu toucher à ma maison? Hein? Qui est-ce? Si tu détruis ma maison, je vais être obligé de venir vivre en toi. Je ne te quitterai jamais, l'humain. Le singe avait raison. Ne t'inquiète pas, l'humain. On sera de bons amis. Tu es pressé, mon ami? Et ton bateau, alors? Juste quand Robbie se moqua du bûcheron, l'arbre devint vivant. Robbie! Oh! Es-tu vraiment l'âme d'un vieil homme? C'est ça? Et donc, Donc tout ce temps j'ai dormi sur l'âme d'un vieil homme, est-ce que c'est correct? Non, Robby, je ne suis pas l'âme d'un vieil homme. Enfin, je suis vieux, mais je suis l'âme de cet arbre. Ta musique m'a ramené à la vie. Tu es un gentil petit singe, Robby, et je te suis reconnaissant. Tu m'as sauvé du bûcheron. Tiens, accepte ça en guise de cadeau de remerciement. Une cloche? Ce n'est pas une cloche ordinaire, c'est une cloche magique. À chaque fois que tu la feras tinter, le ciel te donnera par magie des fruits frais à manger. Oh, waouh! Cela m'aidera beaucoup, ainsi que les autres animaux de la forêt. Oui, en effet. Mais souviens-toi, Robby, tu ne peux faire sonner cette cloche qu'une fois par jour. D'accord, je m'en souviendrai. Merci, l'arbre. Robby courut appeler ses autres amis dans la forêt. Cochonou! Le renard! Ellie! Venez tous ici! Venez! Qu'est-ce qui se passe, Robby? Je prenais mon bain. Robby raconta toute l'histoire. Les animaux étaient tous surpris. Ils ne pouvaient pas croire que l'âme de l'arbre était devenue vivante. Tu as fait ce qu'il fallait, Robby. Nous sommes tous très fiers de toi. Les humains doivent réfléchir à deux fois avant de couper les arbres. Parce que sans forêt, il n'y aurait plus de pluie du tout. Oui, c'est vrai, mais je suis plus excitée par la cloche. Est-ce qu'elle marche? On devrait l'essayer. Oui! On devrait. Robby était excité aussi. Il fit sonner la cloche. Et instantanément, il se mit à pleuvoir des fruits. Il y avait des oranges, des poires, des pommes et des ananas qui tombaient du ciel. Les animaux étaient tous très heureux. Le renard courait pour attraper les fruits dans un panier. L'éléphant attrapa un ananas et en croqua un morceau. Tandis que Robby ouvrait simplement la bouche pour manger une poire. Les animaux mangèrent avec avidité. Plus besoin de partir à la recherche de fruits maintenant. C'est vrai. Tous les jours, Robby faisait sonner sa cloche magique et des fruits pleuvaient du ciel. Cela dura pendant des jours. Les animaux faisaient confiance à Robby et étaient très heureux avec lui. Un après-midi, alors que Robby se balançait d'arbre en arbre, il aperçut au loin un bananier. Les bananes jaunes bien mûres lui donnèrent l'eau à la bouche. Mais au lieu de grimper à l'arbre et de cueillir ses bananes bien mûres, il pensa à autre chose. La cloche magique! Je vais sonner la cloche et faire tomber du ciel un lot bien frais de bananes. Et je peux stocker les bananes de l'arbre pour plus tard. Où sont donc les fruits? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne marche plus! Oh, attends, j'ai déjà fait sonner la cloche ce matin. Tu ne pourras faire sonner la cloche qu'une fois par jour. Oh non, mais j'ai tellement faim là! Tandis que Robby se demandait quoi faire, il vit son ami le renard allongé par terre. Oh, hey, il te reste des bananes de la pluie d'aujourd'hui ou pas? Oups, désolé, je n'en ai plus. Je les ai toutes mangées. Wow, manger, ça me donne sommeil. Salut Robby, à plus. Et tu sais quoi? Essayons d'avoir une pastèque bien fraîche demain. Les pastèques me manquent. Les pastèques me manquent. C'est moi qui ai sauvé l'arbre du bûcheron. C'est moi le vrai propriétaire de la cloche magique. Et pourtant, je suis le seul à être affamé comme ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Robby était si agacé qu'il en oublia qu'il pouvait facilement grimper à cet arbre et cueillir ses bananes par lui-même. Le lendemain matin, Robby se tint près de son arbre et sonna la cloche. Instantanément, plein de fruits tombèrent du ciel. Il en mangea autant que possible et rassembla le reste. Et ensuite, il alla cacher le reste des fruits derrière l'arbre. Robby, que fais-tu? Tes amis doivent avoir faim. Et si jamais moi j'ai encore faim alors? C'est égoïste, Robby. Il y a assez de fruits pour tout le monde. Tu dois partager. Je sais ce que je fais. Tu m'as donné la cloche à moi. Ce n'est pas juste si moi j'ai toujours faim. Oh. À ce moment-là, tous les animaux arrivèrent auprès de Robby pour lui demander des fruits. Désolé, les amis, mais la cloche ne marche plus. Je l'ai faite sonner tellement de fois. Regardez, je vais la faire sonner encore pour vous montrer. Robby sonna la cloche. Mais vu que les fruits étaient déjà tombés du ciel, naturellement, il ne se passa rien du tout. Les animaux furent tristes, mais pas un seul d'entre eux ne mit en doute la parole du singe. Et alors qu'il repartait... Attendez, je sens quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre, Robby? Hey, venez voir ici, il y a plein de fruits ici. Robby les avait cachés. Tous les animaux revinrent sur leurs pas et furent choqués. Robby, si tu ne voulais pas partager la nourriture, tu aurais dû nous le dire, c'est tout. Tu n'avais pas besoin de nous mentir. Je t'aurais donné avec plaisir ma part de nourriture. Je te l'aurais donné aussi. Tu sais quoi, mon ami? Pourquoi ne mangerais-tu pas tous tes fruits tout seul à partir de maintenant? Nous ne voulons plus rien venant de toi. Quand Robby vit ses amis partir, il réalisa son erreur et se mit à pleurer. Non, attendez, ne partez pas. Je suis vraiment désolée, j'ai agi en égoïste. Il y a assez de fruits à partager avec vous tous. Et même s'il pleuvait des fruits toutes les minutes, ça ne serait jamais pareil si je ne pouvais pas les partager avec vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Robby, tout va bien. On te pardonne. Tu as toujours été un ami cher à nos cœurs. Oui, mon ami. Nous ne sommes plus en colère, Robby. Oui. On peut manger maintenant. Avoir faim me rend plus lent. Tous les animaux partagèrent les fruits et mangèrent jusqu'à ce que leurs estomacs soient pleins. Robby n'utilisa plus jamais la cloche pour ses seuls besoins égoïstes. Fin.